Pierre voulut rejoindre Madame Vincent pour lui dire une bonne parole de consolation. Mais un flot de pèlerins l'empêcha de passer, le rejeta vers la fontaine qu'une autre cohue assiégeait. C'était toute une construction basse, un long mur de pierre au chaperon taillé, et malgré les 12 robinets qui coulaient dans les 3 bassins, des queues avaient dû s'établir. Beaucoup emplissaient là des bouteilles, des bidons de fer blanc, des cruches de grès. Pour éviter la trop grande perte d'eau, chaque robinet ne fonctionnait que sous l'action d'un bouton. Aussi, avec leurs frêles mains, des femmes s'attardaient-elles en s'inondant les pieds. Celles qui n'avaient pas de bidon à remplir venaient boire et se laver le visage. Pierre remarqua un jeune homme qui buvait 7 petits verres et qui se lavait 7 fois les yeux sans s'essuyer. D'autres buvaient dans des coquillages, des timbales d'étain, des poches de cuir. Et il fut surtout intéressé par le spectacle d'Élise Rouquet, qui, jugeant inutile d'aller aux piscines pour la plaie affreuse dont sa face était rongée, se contentait depuis le matin de se lotionner à la fontaine toutes les heures. Elle s'agenouillait, écartait le fichu, appliquait longuement sur la plaie un mouchoir qu'elle imbibait comme une éponge. Et autour d'elle, la foule se ruait dans une telle fièvre que les gens ne remarquaient plus son visage de monstre, se lavaient et buvaient au canon même où elle mouillait son mouchoir. Mais, à ce moment, Gérard, qui y passait, traînant aux piscines Monsieur Sabatier, appela Pierre, qu'il voyait inoccupé, et il lui demanda de le suivre pour donner un coup de main, car l'ataxique n'allait pas être commode à remuer et à descendre dans l'eau. Ce fut ainsi que Pierre demeura près d'une demi-heure dans la piscine des hommes, où il était resté avec le malade, pendant que Gérard retournait à la grotte en chercher un autre. Cette piscine lui parut bien aménagée. Elle consistait en 3 cases, en 3 baignoires, où l'on descendait par des marches et que séparaient des cloisons. L'entrée de chacune était garnie d'un rideau de toile qu'on pouvait tirer pour isoler le malade. En avant se trouvait une salle commune, une pièce d'allée meublée seulement d'un banc et de 2 chaises qui servait de salle d'attente. Les malades s'y déshabillaient, se rhabillaient ensuite, avec une hâte gauche, un souci inquiet de pudeur. Un homme était là, nu encore, s'enveloppant à demi dans le rideau, pour remettre un bandage de ses mains tremblantes. Un autre, un phtisique d'une effrayante maigreur, grelottait avec un râle, la peau grise zébrée de taches violettes. Mais Pierre frémit en voyant le frère Isidore qu'on retirait d'une baignoire. Il était inanimé, on le crut mort. Puis il recommença à pousser des plaintes. Et c'était une pitié affreuse, ce grand corps desséché par la souffrance, pareil à un lambeau humain jeté sur l'étal, troué à la hanche d'une plaie. Les 2 hospitaliers qui venaient de le baigner avaient toutes les peines du monde à lui remettre sa chemise, car ils craignaient de le voir s'éteindre dans une secousse trop brusque. « Monsieur l'abbé, vous allez m'aider, n'est-ce pas ?» demanda l'hospitalier qui déshabillait Monsieur Sabatier. Tout de suite, Pierre s'empressa, et en le regardant, il reconnut dans cet infirmier aux fonctions si humbles le marquis de Salmon-Roquebert, que Monsieur de Guersin lui avait montré en descendant de la gare. C'était un homme d'une 40aine d'années, au grand nez chevaleresque, dans une figure longue. Dernier représentant d'une des plus anciennes et des plus illustres familles de France, il avait une fortune considérable, un hôtel royal à Paris, rue de Lille, des terres immenses en Normandie. Chaque année, il venait ainsi à Lourdes pendant les 3 jours du pèlerinage national, par charité, sans aucun zèle religieux, car il pratiquait uniquement en homme de bonne compagnie. Et il s'entêtait à ne rien être. Il voulait rester simple hospitalier, baignant cette année-là les malades, les bras cassés de fatigue, les mains occupées du matin au soir à remuer des loques, à ôter et à remettre des pansements. « Faites attention, recommanda-t-il, enlevez les bas sans vous presser, Tout à l'heure, pour ce pauvre homme qu'on rhabille là, la chair est venue. » Et comme il quittait un instant M. Sabatier, afin d'aller rechausser le malheureux, il sentit sous ses doigts que le soulier gauche était mouillé à l'intérieur. Il regarda. Du pu avait coulé, en plissant le bout du soulier, et il dut aller le vider dehors, avant de le remettre au pied du malade, avec d'infinies précautions, en évitant de toucher à la jambe que dévorait un ulcère. « Maintenant, » dit-il à Pierre en revenant à M. Sabatier, « tirez avec moi sur le caleçon pour que nous l'ayons d'un coup. » Il n'y avait dans la petite salle que les malades et les hospitaliers chargés du service. Un aumônier aussi était présent, récitant des patères et des avés, car les prières ne devaient pas cesser une minute. D'ailleurs, un simple rideau volant fermait la porte sur le large espace que les cordes protégeaient. Et les supplications de la foule arrivaient en une clameur continue, tandis qu'on entendait la voix perçante du capucin répéter sans relâche « Seigneur, guérissez nos malades ! Seigneur, guérissez nos malades !» Des fenêtres hautes laissaient tomber une froide lumière, et il régnait là une continuelle humidité, une odeur fade de cave trempée d'eau. Enfin, M. Sabatier était nu. On ne lui avait noué sur le ventre qu'un tablier étroit pour la décence. « Je vous en prie, » dit-il, « ne me descendez dans l'eau que peu à peu. » L'eau froide le terrifiait. Il racontait encore que, la première fois, il avait éprouvé un saisissement si atroce qu'il s'était juré de ne recommencer jamais. À l'entendre, il n'y avait pas de pire torture. Puis l'eau, comme il le disait, n'était guère engageante. Car, de crainte que le débit de la source ne pût suffire, les pères de la grotte ne faisaient alors changer l'eau des baignoires que deux fois par jour. Et comme il passait dans la même eau près de 100 malades, on s'imagine quel terrible bouillon cela finissait par être. Il s'y rencontrait de tout, des filets de sang, des débris de peau, des croûtes, des morceaux de charpie et de bandages, un affreux consommé de tous les maux, de toutes les plaies, de toutes les pourritures. Il semblait que ce fût une véritable culture des germes empoisonneurs, une essence des contagions les plus redoutables. Et le miracle devait être que l'on ressortit vivant de cette boue humaine. « Doucement, doucement !» répétait M. Sabatier à Pierre et au marquis, qu'il avait saisi par-dessous les cuisses pour le porter à la baignoire. Et il regardait l'eau avec une terreur d'enfant, cette eau épaisse et d'aspect livide, sur laquelle des plaques luisantes, louches, flottaient. Il y avait au bord, à gauche, un caillot rouge, comme si un abcès avait crevé à cette place. Des bouts de linge nageaient, ainsi que des chairs mortes. Mais son épouvante de l'eau froide était si grande qu'il préférait pourtant ses bains souillés de l'après-midi, parce que tous les corps qui s'y trempaient finissaient par les réchauffer un peu. « Nous allons vous laisser glisser sur les marches, » expliqua le marquis à demi-voix. Puis il recommanda à Pierre de le soutenir fortement par les aisselles. « Ne craignez rien, » dit le prêtre, « je ne lâcherai pas. » Lentement, M. Sabatier fut descendu. On ne voyait plus que son dos, un pauvre dos de douleur, qui se balançait, se gonflait, se moirait d'un frisson. Et quand il fut plongé, la tête se renversa dans un spasme. On entendit comme un craquement des os pendant qu'il étouffait d'un souffle éperdu. L'aumônier, debout devant la baignoire, avait repris avec une ferveur nouvelle « Seigneur, guérissez nos malades ! Seigneur, guérissez nos malades !» Monsieur de Salmon-Roquebert répéta le cri, qui était réglementaire pour les hospitaliers, à chaque immersion. Pierre dut également le jeter, et sa pitié devant tant de souffrances était si grande qu'il retrouvait un peu de sa foi. Depuis bien longtemps, il n'avait pas prié ainsi, souhaitant qu'il y eût au ciel un Dieu dont la toute-puissance pût soulager l'humanité misérable. Mais au bout de 3 ou 4 minutes, lorsqu'ils retirèrent de la baignoire, à grand-peine, M. Sabatier, blême et grelottant, il éprouva une tristesse plus désespérée à voir l'ataxique si malheureux comme anéanti, de ne sentir aucun soulagement. Encore une tentative inutile. La Sainte Vierge n'avait pas daigné l'entendre pour la 7e fois. Il fermait les yeux. Deux grosses larmes coulaient de ses paupières closes tandis qu'on le rhabillait. Pierre, ensuite, reconnut le petit Gustave Vigneron qui entrait avec sa béquille pour prendre son premier bain. À la porte, la famille venait de s'agenouiller. Le père, la mère, la tante, Madame Chaise, tous les trois cossus et d'une dévotion exemplaire. On chuchotait dans la foule. On disait que c'était un employé supérieur du ministère des Finances. Mais, comme l'enfant commençait à se déshabiller, il y eut une rumeur. Le père Fourcade et le père Mathias parurent en donnant l'ordre de suspendre les immersions. Le grand miracle allait être tenté. La faveur extraordinaire sollicitée ardemment depuis le matin, la résurrection de l'homme. Dehors, les prières continuaient. Un furieux appel de voix qui se perdait au ciel dans la chaude après-midi d'été. Et une civière couverte entra, que les deux brancardiers déposèrent au milieu de la salle. Le baron Suire, président de l'hospitalité, suivait, ainsi que Berthaud, un des chefs de service, car l'aventure remuait tout le personnel, et il y eut quelques mots échangés à voix basse entre ces messieurs et les deux pères de l'Assomption. Puis, ceux-ci tombèrent à genoux, les bras en croix, priant, la face illuminée, transfigurée par leur brûlant désir de voir se manifester l'omnipotence de Dieu. « Seigneur, écoutez-nous ! Seigneur, exaucez-nous !» On venait d'emporter M. Sabatier. Il n'y avait plus là d'autre malade que le petit Gustave, à moitié dévêtu, oublié sur une chaise. Les rideaux de la civière furent tirés. Le cadavre de l'homme apparut. Déjà rigide, comme réduit et aminci, avec ses grands yeux qui étaient restés obstinément ouverts. Mais il fallait le déshabiller, car il avait encore ses vêtements. Et cette besogne terrible fit hésiter un moment les hospitaliers. Pierre remarqua que le marquis de Salmon-Roquebert, si dévoué aux vivants, sans répugnance, s'était mis à l'écart, s'agenouillant lui aussi, pour ne pas toucher à ce corps. Et il l'imita, se prosterna près de lui, afin d'avoir une contenance. Peu à peu, le père Mathias s'exaltait, d'une voix si haute qu'elle couvrait celle de son supérieur, le père Fourcade. « Seigneur, rendez-nous notre frère ! Seigneur, faites cela pour votre gloire !» Déjà, un des hospitaliers s'était décidé à tirer sur le pantalon de l'homme. Mais les jambes ne cédaient pas. Il aurait fallu soulever le corps. Et l'autre hospitalier, qui déboutonnait la vieille redingote, fit, à demi-voix, la réflexion qu'il serait plus court de tout couper avec des ciseaux. Autrement, jamais on ne viendrait à bout de la besogne. Berthaud se précipita. Il avait consulté le baron Suire d'un mot rapide. Lui, au fond, en homme politique, désapprouvait le père Fourcade d'avoir tenté une pareille aventure. Seulement, il n'était plus possible de ne pas aller jusqu'au bout. La foule attendait, suppliait le ciel depuis le matin. Et la sagesse était d'en finir tout de suite, le plus respectueusement qu'on pourrait envers le mort. Aussi, plutôt que de le trop secouer pour le mettre nu, Berthaud pensait qu'il valait mieux le plonger, tout habillé, dans la piscine. Il serait toujours temps de le changer s'il ressuscitait. Et dans le cas contraire, peu importait, mon Dieu. Vivement, il dit ces choses aux hospitaliers. Il les aida à passer des sangles sous les cuisses et sous les épaules de l'homme. Le père Fourcade avait approuvé d'un signe de tête, pendant que le père Mathias redoublait de ferveur. « Seigneur, soufflez sur lui et il renaîtra !» « Seigneur, rendez-lui son âme pour qu'il vous glorifie !» D'un effort, les deux hospitaliers soulevèrent l'homme sur les sangles, le portèrent au-dessus de la baignoire, le descendirent dans l'eau lentement, tourmentés de la crainte qu'il ne leur échappât. Alors, Pierre, saisi d'horreur, vit très bien le corps s'immerger avec ses pauvres vêtements, dont l'étoffe se collait aux os, dessinant le squelette. Il flottait comme un noyé. Puis, l'abominable, ce fut que la tête, malgré la rigidité cadavérique, retombait en arrière, et elle était sous l'eau. Les hospitaliers s'efforçaient vainement de relever la sangle des épaules. Un moment, l'homme faillit glisser au fond de la baignoire. Comment aurait-il pu retrouver son souffle, puisqu'il avait la bouche pleine d'eau, avec ses yeux grands ouverts, qui semblaient, sous ce voile, mourir une seconde fois? Pendant les trois interminables minutes qu'on le trempa, les deux pères de l'Assomption, ainsi que l'aumônier, dans un paroxysme de désir et de foi, s'efforcèrent de violenter le ciel. « Seigneur, regardez-le seulement, et il ressuscitera. Seigneur, qu'il se lève à votre voix pour convertir la terre. « Seigneur, vous n'avez qu'un mot à dire, le monde entier célébrera votre nom. » Comme si un vaisseau se fût brisé dans sa gorge, le père Mathias s'abattit sur les coudes, suffoquant, n'ayant plus que la force de baiser les dalles. Et du dehors arriva la clameur de la foule, le cri sans cesse répété que le capucin lançait toujours. « Seigneur, guérissez nos malades ! Seigneur, guérissez nos malades !» Cela tombait si singulièrement que Pierre retint un cri de révolte. Près de lui, il sentait le marquis frémir. Aussi fut-ce un soulagement général lorsque Berthaud, décidément fâché de l'aventure, dit d'une voix brusque aux hospitaliers « Retirez-le ! Retirez-le donc !» On retira l'homme, on le déposa sur la civière avec ses locks de noyer collés à ses membres. Ses cheveux s'égouttaient, des ruisseaux coulaient, inondaient la salle. Et le mort restait mort. Tous s'étaient levés, le regardaient, au milieu d'un silence pénible. Puis, comme on le recouvrait et qu'on l'emportait, le père Fourcade le suivit, appuyé à l'épaule du père Mathias, traînant sa jambe goûteuse, dont il avait oublié un moment la douloureuse pesanteur. Il retrouvait déjà toute sa forte sérénité. On l'entendit qui disait à la foule, pendant un silence, « Mes chers frères, mes chères sœurs, Dieu n'a pas voulu nous le rendre. C'est que, sans doute, dans son infinie bonté, il le garde parmi ses élus. » Et ce fut tout. Il ne fut plus question de l'homme. De nouveau, on amenait des malades. Les deux autres baignoires étaient occupées. Cependant, le petit Gustave, qui avait suivi la scène de son œil fin et curieux, sans terreur, achevait de se déshabiller. Son misérable corps d'enfant scrofuleux apparut, avec ses côtes saillantes et l'arête épineuse de son échine, d'une maigreur qui faisait ressembler ses jambes à des cannes, la gauche surtout, desséchée, réduite à l'os. Et il avait deux plaies, l'une à la cuisse, l'autre au rein, affreuse celle-ci, la chair à nu. Il souriait pourtant, si affiné par le mal, qu'il semblait avoir la raison et la philosophie brave d'un homme pour ses 15 ans, qui en paraissaient à peine 10. Le marquis de Salmon Roquebert, l'ayant pris délicatement dans ses bras, refusa l'aide de Pierre. « Merci, il ne pèse pas plus qu'un oiseau. Et n'aie pas peur, mon cher petit, j'irai doucement. »« Oh, monsieur, je ne crains pas l'eau froide, vous pouvez me plonger. » Il fut plongé ainsi dans la baignoire où l'on avait trempé l'homme. À la porte, madame Vigneron et madame Chaise, qui ne pouvaient entrer, s'étaient remises à genoux et priaient dévotement, tandis que le père, monsieur Vigneron, admis dans la salle, faisait de grands signes de croix. Pierre s'en alla, puisqu'il n'était plus utile. L'idée que 3 heures étaient sonnées depuis longtemps et que Marie devait l'attendre le fit se hâter. Mais comme il tentait de fendre la foule, il vit arriver la jeune fille, traînée dans son chariot par Gérard, qui n'avait pas cessé d'amener des malades aux piscines. Elle s'était impatientée, soudainement envahie par la certitude qu'elle se trouvait enfin en état de grâce. Et elle eut un mot de reproche. « Oh, mon ami, vous m'avez donc oublié !» Il ne trouva rien à répondre. Il la regarda disparaître dans les piscines des femmes. Et il tomba à genoux, mortellement triste. C'était ainsi qu'il voulait l'attendre, prosterné, pour la reconduire à la grotte, guérie certainement, chantant des louanges. Puisqu'elle était certaine d'être guérie, ne devait-elle pas l'être ? D'ailleurs, lui-même cherchait en vain des mots de prière, au fond de son être bouleversé. Il restait sous le coup des choses terribles qu'il venait de voir, écrasé de fatigue physique, le cerveau déprimé, ne sachant plus ce qu'il voyait ni ce qu'il croyait. Seule, sa tendresse éperdue pour Marie restait, le jetait à un besoin de sollicitations et d'humilité, dans cette pensée que les tout-petits, quand ils aiment bien et qu'ils supplient les puissants, finissent par obtenir des grâces. Et il se surprit à répéter avec la foule, d'une voix de détresse sortie du fond de son être, « Seigneur, guérissez nos malades !» Seigneur, guérissez nos malades. Cela dura 10 minutes, un quart d'heure peut-être. Puis Marie reparut dans son chariot. Elle avait sa face désespérée et pâle, ses beaux cheveux noués en un lourd paquet d'or que l'eau n'avait pas touché. Et elle n'était pas guérie. Une stupeur d'infini découragement fermait sa bouche, tandis que ses yeux se détournaient, comme pour ne pas rencontrer ceux du prêtre, qui, saisi, le cœur glacé, se décida à reprendre la poignée du timon, afin de la reconduire devant la grotte. Et le cri des fidèles, à genoux, les bras en croix, baisant la terre, reprenait dans la folie croissante, fouetté par la voix aiguë du capucin. « Seigneur, guérissez nos malades ! Seigneur, guérissez nos malades !» Devant la grotte, comme Pierre la réinstallait, Marie eut une défaillance. Tout de suite, Gérard, qui était là, vit accourir Raymonde avec une tasse de bouillon, et ce fut dès lors, entre eux, un assaut de zèle autour de la malade. Raymonde, surtout, insistait pour faire accepter son bouillon, tenant gentiment la tasse, prenant des airs câlins de bonne infirmière. Tandis que Gérard la trouvait tout de même charmante, cette fille sans fortune, déjà experte aux choses de la vie, prête à conduire un ménage d'une main ferme, sans cesser d'être aimable. Berthaud devait avoir raison, c'était la femme qu'il lui fallait. « Mademoiselle, désirez-vous que je la soulève un peu ?»« Merci, monsieur, je suis bien assez forte. Et puis, je la ferai boire à la cuillère, cela ira mieux. » Mais Marie, obstinée dans son silence farouche, revenait à elle, refusait le bouillon du geste. Elle voulait qu'on la laissât tranquille, qu'on ne lui parlât pas. Ce fut seulement lorsque les deux autres s'éloignèrent, en se souriant, qu'elle dit au prêtre d'une voix sourde « Mon père n'est donc pas venu ?» Pierre, après avoir hésité un moment, dut confesser la vérité. « J'ai laissé votre père endormi, et il ne se sera pas réveillé. » Alors Marie, retombant à son anéantissement, le renvoya lui-même, du geste dont elle écartait tout secours. Immobile, elle ne priait plus. Elle regardait de ses grands yeux fixes la Vierge de marbre, la statue blanche, dans le flamboiement de la grotte. Et, comme 4 heures sonnaient, Pierre, le cœur meurtri, s'en alla au bureau des constatations en se rappelant le rendez-vous que lui avait donné le docteur Chassaigne.